Section 44 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 44. Les amours de Gilles. Livre 2e, Pulcinelle, par Louis Morin. Chapitre 3. Suite des misères de Pietro. Pietro avait-il compris la leçon de Pulcinelle? Toujours est-il qu'il n'en profita guère. Il avait le vin triste et doux, à ce qu'il paraît, et non point batailleur. Quand ils arrivèrent au théâtre, Pulcinelle et lui, les acteurs allaient paraître en scène. Séraphine était là, déjà costumée, avec son air de tous les jours. « Bonsoir, cria-t-elle. Qu'étais-tu donc devenue? Je te cherchais partout. » Puis elle disparut derrière le rideau. Il ne répondit rien. Que pouvait-il répondre devant tout ce monde? Il alla s'asseoir dans un coin, stupéfait de se sentir tout heureux pour ce mot d'intérêt qu'elle lui avait jeté, et délivré de l'affreuse crainte que ce fût fini entre eux, qu'elle ne voulût plus de lui. Ah, quel lâche cœur il avait! Comment allait-il trouver les reproches qu'il voulait, qu'il devait lui faire? Il ne se serait point cru si faible. Comment, pour un regard, pour quelques mots qui étaient peut-être un sarcasme, il était désarmé, il oubliait le cruel abandon de la veille, les tortures de la nuit. Par un étrange dédoublement de son être, il se répétait pour rappeler sa colère. « Elle m'a trompé, elle s'est donnée à un autre. » Et en même temps, il pensait « Elle va revenir, je la serrerai encore dans mes bras, je recevrai ses caresses qui m'affolent, je baiserai ses lèvres chéries, j'entendrai sa voix qui est la plus douce des musiques. Elle me regardera encore de ses regards qui vont à l'âme. » Il passa ainsi la soirée, n'ayant point de travail au théâtre. Il sortit, se promena sur la place aux alentours. Il se disait « Je vais m'en aller, rentrer à l'auberge. Si elle revient, ce soir, je lui parlerai sans lever les yeux. Je lui dirai tout ce que j'ai sur le cœur. » Et il ne s'en allait point. Quand il vit le public sortir, il rentra par la porte des artistes, la tête basse, ayant honte de revenir là. Elle était prête à partir. Elle lui prit le bras et ils s'en allèrent, muets, par la ville déserte. Arrivé à l'auberge, il s'assit sur une chaise, sans faire de lumière, et se mit à pleurer de rage, contre elle et contre lui. Alors, elle le serra doucement, paraissant très émue et très étonnée réellement de ce grand chagrin. Elle lui jura qu'elle aimait, qu'elle l'adorait, qu'elle ne l'avait pas oublié un instant et comme repris de colère, il lui criait « Mais pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle lui répondit tout à coup « Que veux-tu, mon amour? On m'offrait trop, je ne pouvais pas refuser. » Alors, devant ce mot qui la peignait toute, comprenant quelle femme elle était et quel amour était le sien, il eut un moment de révolte courageuse. Il se leva, la repoussa brutalement et sortit. Il erra dans la ville jusqu'au matin. Mais le lendemain, il était de nouveau à ses genoux, pardonnant et pardonné. Ce fut son second abaissement. Fin de la section 44, lue par Agnès, Aubi, 2023.